Alors, c'est toujours Elkatou. Je suis accompagnée de Nio et Oui. il nous manque notre cher Nelson qui a un petit empêchement et qui en fait des bisous. Donc Oui. voilà. Donc cette semaine, on a néanmoins 5 films et il a fallu qu'on se restreigne parce qu'on avait plein de films à vous parler, hein. Donc on a quand même mis une petite limite. Ça porte à vous. Voilà, c'est ça. Alors, cette semaine, il y aura d'abord Fleur de Poison de Kat Cher avec moi-même. Ensuite, on vous parlera de Godzilla de Ichiro Honda avec Nio. Oui. Ensuite, ce sera Avec ou sans homme de Herbatros avec moi-même. Après, il y aura Wizard, les sorciers de la guerre de Ralph Bakshi avec Nio. Tout à fait. Et on finira avec College Attitude de Raja Gosnell, avec moi-même. Oui, parce qu'en fait, en ce qui me concerne, c'est une spéciale Drew Barrymore, hein, donc voilà. Drew Barrymore des années 90, spécifiquement. Donc voilà, je vais commencer, du coup, avec le film qui s'appelle Fleur de Poison en français, ou Poison Ivy, de Kat Cher, et qui date de 92. Donc en fait moi en fait je me suis dit que j'allais faire une spéciale Drew Barrymore des années 90 parce que à cause déjà de ce film Poison Ivy parce que je le voyais souvent qui revenait quand je regardais des vidéos sur YouTube et enfin des vidéos américaines et ça me titillait en fait parce que ce film-là j'en ai jamais entendu parler en France et pourtant il est Il pris. est connu en Amérique qu'en France, Oui, effectivement. c'est ça. C'est exactement ce que j'allais dire. Ouais. C'est qu'il est plus connu là-bas parce que il a pas eu. En fait, le film de base, il a pas fait énormément au box-office quand il est sorti, mais petit à petit, en fait, il a eu une certaine réputation il a eu, il a, enfin, il a été de plus en plus populaire chez les ados là-bas. Et donc voilà. En fait, l'histoire, c'est l'histoire de Sylvie, qui est une ado mal dans sa peau. Elle est fascinée par une fille de son école, en fait, qui a l'air tellement libre, tellement séduisante, hyper sexy, voilà. En fait, elle sympathise à l'occasion d'un moment où elle se retrouve dans une salle et tout, enfin, voilà. Et dans le feu de l'action, en fait, quand son père vient la chercher, elle présente la fille comme Ivy, s'appelant Ivy, donc à son père et à sa mère. Et bientôt en fait, Ivy va vite faire partie de la famille puisqu'elle va s'installer chez eux. De cette famille en fait, qui habite une très grande maison avec un père présentateur, enfin qui est une personnalité de la télévision et une mère qui est malade et souvent alitée. Donc en fait, la réalisatrice Katia, en fait, elle a commencé comme actrice. D'ailleurs, je crois qu'on l'a vue. Elle a joué vite fait dans un film qu'affectionne notre cher Nelson et enfin, affectionne entre guillemets hein. Il n'est pas là. Ouais, c'est ça on peut le dire. Parce qu'elle était dans Scarface apparemment. Bon, en plus. C'est ça, c'est ça, sachant que le nom d'amour que Nelson porte à Scarface. Je crois qu'elle faisait, elle devait faire une meuf. Tu vois, son rôle c'est juste Woman at Babylon Club, hein, pour dire que c'est léger en fait. Hein. Elle a fait, enfin, deux trois petits trucs comme ça. Et puis finalement, elle a décidé de s'orienter vers une carrière de réalisatrice et elle a réalisé des petits thrillers à petit budget pour Roger Corman du coup. Donc c'est un peu son background quand elle arrive sur Poison Ivy. Ah oui, elle est aussi coupable de Carrie 2. Voilà. C'est elle, c'est de sa faute. Coupable. Carrie 2 alors attends. C'est son dernier film d'ailleurs, Carrie 2. Ah non, non, je dis bêtise. Carrie 2, c'est son dernier film en tant qu'actrice. Ah. C'est ça. Non, parce que son dernier film en tant que Directeur, réalisatrice. Ouais, non, mais elle l'a aussi réalisé, hein. Donc quoi. elle est aussi coupable. Hein. Non, bah, après elle a fait un ou deux petits trucs pour la télé, mais en fait elle a pas tant réalisé que ça. Hein. Elle est voilà, c'est un peu, elle a pas une grosse carrière. Voilà. Et en fait quand ils ont fait le film, ce qu'ils voulaient, leur l'idée de base c'était de faire un liaison fatale pour ados. Et est-ce que tu es un peu oui, pourquoi pas quoi, c'est et au final on en fait au final on a un Hollywood Night qui est pas trop mal à regarder, mais c'est quand même qualité Hollywood Night hein. Pour se rappeler, les Hollywood Night c'était des films enfin qui passaient le samedi soir à 22h, 22h, 23h parce qu'ils étaient vaguement sexy sur TF1, voilà quoi. Alors, fun fact, le perso d'Ivy, en fait, est inspiré d'une personne que la productrice a connue dans sa jeunesse et qui était restée chez elle, avec beaucoup moins de dégâts, quand même. Voilà. Parce que, bon, dans le film, Ivy, voilà, elle est un peu calculatrice, elle a un agenda quand elle débarque dans la famille. Donc, outre Drew Barrymore, ce qui je reviendrai plus tard, dans le film, il y a Tom Skerritt, Oui. qui joue le père de famille. Et en fait, pour le coup, le choix du casting d'avoir un acteur comme ça qui est pas vraiment l'archétype du daddy séduisant, tu vois, c'est mais plus proche du père lambda. Bon, en fait, ça rend la relation entre Ivy et le père de famille encore plus dérangeante et bien plus dérangeante que sulfureuse au final. Et d'ailleurs, à l'époque, en fait, il avait déjà 60 ans. Donc voilà, et parce que enfin Tom Skerritt, tu vois, voilà, toi tu le connais, mais il y a peut-être des gens qui ça évoque rien, et lui mais par contre sa tête, quand tu le vois, tu l'as forcément vu quelque part, quoi. Parce Ben que oui, je peux le dire, je peux le dire, je peux le dire. vas-y, vas-y si tu veux, hein. Alien. Voilà, exactement. Alien, il a fait énormément énormément de télé déjà aussi. Voilà, et effectivement il a fait Alien, il a fait MASH. La même année que Poison Ivy, il était dans Et au milieu coule une rivière de Robert Redford. Donc voilà, bon c'est un peu et voilà, je leur dis encore beaucoup de télé aussi quoi. Tu vois, moi la première fois que je l'ai vu, c'était pas Alien, c'était dans un truc télé quoi. Donc il a fait aussi Contact de Zemeckis, voilà. Bon, bref. Et voilà. Et en fait, tu vois, par exemple, il y a une scène qui se voudrait très sexuelle, tu vois, on voit leur silhouette en ombre et tout. Ça pourrait sûrement marcher avec un personnage plus jeune, ça donnerait vraiment un côté sexy, tu vois. Mais là, en fait, effectivement, c'est tout ce qui marche, c'est le côté creepy, en fait. Et du coup, on se retrouve. Par contre, toi, on se retrouve. Ce qui marche bien, c'est le côté de se retrouver dans la peau du personnage qui découvre ça. Là, pour coup, tu sens le truc et tu fais ah, tu vois. Donc, c'est voilà. Après, dans le rôle de la mère, on a Cheryl Ladd. Chris Monroe de Drôle de Dame. Donc voilà. Qui est dans le rôle d'une femme à la fois adorée, mais qui est plus du tout ce qu'elle était, quoi. Vu qu'elle est malade. Et d'ailleurs, c'est marrant de voir qu'en fait, le personnage de Drew Barrymore, en fait, cherche à prendre la place de celui de Cheryl Ladd. En sachant que 8 ans plus tard, Barrymore, en fait, elle jouera dans une version New Look ciné de Drôle de Dame. Et voilà. Et en fait, alors pour moi, Cheryl Ladd, outre son personnage de Drôle de Dame, c'est aussi Sarah Crawford dans un téléfilm Jekyll et Hyde, où elle était face à Michael Caine, en fait, dans le rôle titre. Et il faut que je retrouve le téléfilm parce qu'il était, enfin moi je l'aimais bien, j'ai un bon souvenir. Avec la fin de ce téléfilm, je crois qu'elle était en deux parties en plus, il me semble. Ça aurait pu franchement donner une petite suite en forme de série B. C'est dommage que ça ait jamais lieu. Après, on a tendance, c'est vrai, à minimiser cette actrice parce qu'elle a une image, bah, à cause de son rôle dans Drôle de Dame, en fait, qui lui colle à la peau. Mais elle a fait une carrière série et téléfilm très très très fournie. Et en fait, c'est typiquement voilà, le type d'actrice, en fait, qui fait partie des acteurs qui sont des bons ouvriers de la télé US, quoi. Voilà, c'est le genre de personnes, en fait, tu les as vues tout le temps plein de fois, nulle part. En fait, il y a une peg. Tu vois, on parlait de Michael Nouri la dernière fois, c'est pareil, en fait. Donc, j'ai pas encore évoqué le personnage de Sylvie, qui est l'adolescente de la famille, qui est jouée par Sarah Gilbert. Alors, outre le fait d'être la sœur de Mélissa Gilbert, alias Laura Ingalls, c'est quand même, à l'instar de John Goodman, en fait, dont j'ai parlé la semaine dernière, un des personnages de la série Roseanne aussi, en fait, qui jouait également pendant ces années-là. Et elle a joué le rôle de Darlene Connor, en fait, qui était la fille de la famille. Et pour faire le parallèle, au moment où John Goodman faisait Ralph Superkin, dont j'ai parlé la semaine dernière, Sarah Gilbert, elle, faisait Poison Ivy, une fleur de poison. Après, même si elle a joué dans quelques films, en fait, c'est quand même essentiellement à la télé en fait que sa carrière se composera. D'ailleurs, on la reverra plus tard dans The Big Bang Theory où elle aura un rôle pas forcément très récurrent, mais on la voit de temps en temps, quoi. Après, je suis pas allée au bout de toutes les saisons, hein, donc j'avoue, si ça se trouve, on la voit plus souvent, hein, mais bon, bref. Et donc, Drew Barrymore. Alors, Drew Barrymore, aux USA, ils ont un terme pour les gens comme elle, en fait, qui sont nés dans le milieu du cinéma, qui ont baigné dedans, qui, voilà. C'est le terme de Hollywood Royalties. C'est, ouais, quand tu regardes tous les trucs et tout, ils te disent Hollywood Royalties. Ça, c'est comme Angelina, c'est pareil, Hollywood Royalties. En fait, les gars, c'est marrant parce qu'aux États-Unis, les gars, ils ont beau balancer à la gueule des Anglais qui se sont débarrassés de leur lien avec l'Empire britannique, dès qu'ils en ont occasion, ils se fabriquent une noblesse quand même, hein. Donc bon. Ouais, mais c'est un peu comme les fils et filles d'eux qui sont dans le cinéma français. Je pense que on sent quand même qu'ils sont parfois favorisés et on se moque un peu, parfois gentiment et parfois non. Ah mais je t'assure que là c'est pas que en se moquant, ça, c'est vraiment le truc genre oh you are Hollywood royalties. Putain, ah oui d'accord, ok quand même. Ou comme Gwyneth Paltrow, c'est le même topo, hein. Parce que mine de rien, Gwyneth Paltrow, c'est pareil. Donc du coup en fait, bah Drew Barrymore c'est fille, petite fille de, filleule de en fait. Et elle en fait dans les années 90, elle effectue ce qui est considéré comme son retour de carrière quand même. C'est-à-dire qu'en fait pour beaucoup d'acteurs ça arrive quand ils sont plus âgés. Mais elle, comme elle a tout fait plus tôt, genre la drogue, la gnôle, tout ça, bref, son retour de carrière, ça lui arrive bah, quand elle arrive à la vingtaine, quoi, tu vois. Elle a même fait Spielberg, tu vas voir. Ouais. Et donc, du coup, bah moi, à part Scream en 96, j'avais pas été hyper réceptive à la Drew Barrymore des années 90. J'ai même jamais été vraiment réceptive à Drew Barrymore, hein, si on veut être honnête. Mais en fait, voilà, comme je disais, comme je voyais tout le temps son truc apparaître, je me suis dit, ça va être le moment de faire un petit spécial Drew Barrymore et de me pencher ce qu'elle a fait sur les années 90. Et donc, dans le film Drew Barrymore, en fait, elle est considérée comme trash parce qu'elle se sent libre de son corps, parce qu'elle met un faux tatouage et qu'elle a des cheveux décolorés, permanentés, qui lui donnent un côté sauvagement sexy. Alors autant dire que je devais être sauvagement sexy et trash à 14 ans aussi parce que j'avais les cheveux décolorés et permanentés également. Mais et en fait c'est une vision assez puritaine de la féminité en fait, une puritaine à l'américaine quoi. Du coup bah en bonne fille ouvertement trash, elle va en faire des pour faire du rentre-dedans à papa. Et c'est vraiment un des trucs qui donne un aspect vraiment très poussif au film. En fait, son personnage est tout sauf subtil. Et pourtant, on dirait que la famille est tellement larguée qu'elle voit rien. C'est-à-dire que quand elle fait connaissance avec la mère de famille, c'est très poussif aussi. C'est-à-dire que la mère, elle a le réflexe de se méfier, et puis il suffit qu'elle lui raconte un baratin, fait oh, tu vas devenir ma fille adoptive. Enfin voilà, c'est vraiment c'est gros comme une maison quoi. En fait, le film voudrait laisser penser que le personnage de Drew Barrymore vient combler des manques chez chacun des membres de la famille. Et en fait, même s'il trouve une justification un peu facile pour faire en sorte que son personnage habite carrément avec eux, en fait, on a là des gens qui se disent pfiou, on a tellement blé que cette jeune fille qu'on connaît à peine va habiter avec nous et on va l'entretenir. Parce que entretenir, c'est vraiment le cas, hein, tu vois, il paye des fringues, ça, bref. Tout ça pour, voilà, juste parce que son personnage serait habile et séduisante. Ça me paraît un peu lèche, quoi. Donc voilà, après t'as des trucs genre l'utilisation d'un petit montage avec une petite voix off qui rend la progression des liens entre les personnages plus facile, parce qu'il y a un côté magie, on dit que maintenant c'est comme ça, tu vois, donc c'est, voilà, ça, on se prend pas la tête de savoir comment on va faire, on va initier les trucs. Il y a des facilités de scénario, donc en plus il y a une musique qui est vraiment typique des téléfilms de ces années-là. Et en fait, du coup, t'as vraiment l'impression que t'es pas du tout sur un film qui a une stature intéressante, en fait. C'est, ouais, c'est du téléfilm pour moi. Mais néanmoins, en fait, Drew Barrymore et Sherry Lloyd ressortent un petit peu parce que ça sort pas si mal. Parce que bon, déjà, Drew est omniprésente parce que tout repose sur son charme et sa beauté. C'est vrai qu'elle est très belle, elle est tout le temps souvent assez lookée, enfin voilà quoi. Et en fait, je pense qu'avec un meilleur scénario et une direction d'acteur plus subtile, en fait, on aurait pu avoir un film un peu plus habile que ça. Et quant à Cheryl Ladd, en fait, elle est filmée à certains moments comme une douce apparition. Et finalement, on a de l'empathie en fait pour cette femme, en fait, qui sent que la maladie l'emporte et emporte ce qui faisait d'elle, voilà, ce qui faisait qu'elle était fascinante aussi. Et qui doit faire face au personnage de Drew Barrymore, qui la jalouse et qui veut prendre sa place. Et en fait, c'est terriblement bateau et faussement sulfureux en fait. Mais c'est aussi plaisant, voilà, que je le disais à voir comme les Hollywood Nights. Faut pas se rêver. Enfin, Hollywood Nights, on regardait quand même parce que c'était un peu des fouloirs, c'est tu réfléchis pas, voilà, c'est des trucs typiques dans ces années-là. Et aussi, voilà, parce que enfin c'est ça ressemble aussi à un Hollywood parce que érotisme à deux balles avec écho sur les gémissements quand même. C'est-à-dire que t'as la petite musique, Drew Barrymore gémit et t'as l'écho dessus. C'est ah c'est kitsch. La libido adolescente, je fais ouh. Oh, c'est tellement kitsch parce que le scénario est assez creux aussi voilà parce que comme je dis format téléfilm parce que musique digne des films érotiques voilà mais attention hein attention il y a quand même un petit moment petite chanson rock quand le perso de Sylvie croit qu'elle va se sentir pousser des ailes voilà on n'est pas encore dans le cliché mais bon bref avec tout ça en fait j'étais super étonnée quand j'ai vu que le film avait été nommé à Sundance 92 dans la catégorie meilleur film. Et en 93 dans une autre cérémonie pour Sarah Gilbert en tant que meilleur second rôle quoi. Voilà. Et pour l'anecdote en fait le film est considéré comme la première apparition de DiCaprio. Voilà. Oui, il apparaît une seconde en sortant d'un immeuble. Voilà, c'est tout. C'est voilà, il sort de classe et ça fait ça y est, première apparition de DiCaprio. Ça dure Oui. même pas une seconde. C'est bien comme Voilà. Donc voilà pour ce qui est de Poison Ivy qui a été quand même une déception pour ma part parce que j'attendais mieux que ça en fait. Voilà. Et toi, Godzilla? Alors, oui, bah moi je remonte un peu plus loin dans le temps avec un film fondateur du Keijuega, le film de monde japonais, fait par un réalisateur qui est le pape, même quasiment le pape de ce genre cinématographique, vu que le mec il va en signer à l'appel. Donc Godzilla, alias aussi Gojira, pour le dire à la japonaise, et c'est un film de Ichiro Honda qui sort en 54. Ichiro Honda, comme je l'ai dit, c'est un peu le pape du cinéma de monstres, le Keijuega. Et bien sûr, il n'a pas fait que ça. Mais on lui doit quand même Mothra, Godzilla, le retour de Godzilla, alias Godzilla, King of the Monsters en 56, Rodan, le ptérodactyle géant en 56 aussi. Il y aura, bon, pour les Martiens, non. Il y a Mothra, donc Mothra en 61. Et c'est assez marrant parce que j'avais vu Mothra l'an dernier, en plein confinement. Et là, avec Godzilla, j'ai bien envie de me voir ensuite par la suite Mothra contre Godzilla, Honda a signé en 64. Et entre-temps, pour rebondir sur Honda, il n'y a pas longtemps, j'ai vu Matango, dont je n'ai pas parlé de notre précédent cinéphone, mais voilà, j'ai vu Matango, peut-être de 63, où là, c'est pas un film de monstre, mais on a quand même une espèce d'homme légume. Sans Ah, c'est commentaire. sympa! Oui, Moi, je tu veux vas bien peut-être être voir! manger. Voilà, tu vas peut-être pouvoir les manger, toi. Et je me rappelle plus si c'était lui qui avait fait The Green Slime. Non, ce n'était pas lui. Tiens, c'est étonnant. Bon. Green Slime, ma vie magnifique, que j'ai vu un cinéma, peut-être pas un festival, mais un petit truc à part. Nous n'allons pas en parler. Donc, Godzilla, qui est le Ichiro Honda. Godzilla ouvre toute une période du Keijuega, le film de monstres, où il y a plein de créatures. Et le plus souvent, donc tous ces films arrivent dans les années 50, et c'est pas étonnant. Quand on voit Godzilla en 64, suivi du retour de Godzilla, Godzilla King of the Monsters, Rodan, voilà, Mothra, Gorgo, ou même Gamera, la tortue géante. Ces films, en fait, ils servent un peu comme un exutoire à l'époque, et encore pendant très longtemps, pour montrer la souffrance du peuple japonais face à face à l'atomique, c'est-à-dire la bombe atomique, la guerre, tout ça. Et d'ailleurs, le film de Honda n'hésite pas à insister sur pas mal de plans sur des personnes qui ont été blessées à cause des Godzilla, des enfants qui ont perdu leurs parents, ou même des gens qui ont été irradiés. On voit des travaux quasiment documentaires qui se déroulent dans un hôpital avec des gens qui sont blessés, tout ça. On retirerait Godzilla, on aura en fait un film sur les ravages de la guerre. C'est frappant. Oui, ça fait comme une espèce de métaphore, quoi. C'est ça, c'est une métaphore. Sans oublier donc Godzilla, en fait, tout ce qui brûle, tout son passage, en fait, il irradie. À un moment, il y aura un paléontologiste qui va retrouver un fossile de trilobite, cette espèce de petit crustacé qui vivait il y a très très longtemps. Donc un fossile trilobite dans une des empreintes de pas de Godzilla. Donc c'est quelque chose qui vient du fond des âges, qui a été réveillé par les essais nucléaires. Et en cela, le film de 2014 de Gareth Edwards, il est assez fidèle, vu que justement à la thématique de Godzilla qui a été réveillée d'un passé justement à cause d'essais nucléaires et pas mal de trucs dans le genre. Même si c'est qu'une toile de fond dans le film de 2014, tandis qu'ici c'est vraiment le sujet du film de 54. Et donc, Ichiro Honda, c'est une tous les films de monstres. Et donc ce qui nous intéresse aujourd'hui, donc c'est Godzilla, de 54, et Godzilla a le bon goût de suivre le principe de suggestion qui est propre à pas mal de films de monstres réussis, qui est on ne montre pas sa créature tout de suite. Si tu veux faire un bon film de monstres réussi, tu vas pas montrer bêtement ta créature tout de suite. Sinon, ton film s'effondre. T'as plus rien à raconter. Donc, Godzilla, tout comme dans les Dents de la Mer, Godzilla, on le verra pas avant un moment. Mais, on se doute de sa présence. C'est ça qui est intéressant. Le film fait lentement monter la tension pour l'époque. Aujourd'hui, je sais pas si, je dirais pas qu'il fait flipper, mais il y a quand même un petit climat qui est bien rendu. Mais je pense qu'à l'époque, ça a dû marcher du tonnerre à 100% parce que pendant toute une demi-heure, il fait monter le climat. Il y a quelque chose qui a été vu, une créature, on ne sait pas ce que c'est. Il y a eu des bateaux qui sont allés dans la zone qui était irradiée, il y a eu quasiment aucun survivant. Donc, il y a un truc assez monstrueux qu'on ne peut pas échapper, qui se dirige vers le Japon. Et la première apparition de la créature, donc, qui va arriver 30 minutes après le film, on va juste entendre un boum, boum, boum. Il y a juste la terre qui tremble au loin, quelque chose qui se rapproche. Spielberg sort son souvenir pour Jurassic Park. Et à ce moment-là, on voit les gens sur une colline, et on voit une tête qui dépasse. Et cette tête qui dépasse, elle fixe les gens avec un regard glaçant, et elle pousse juste un hurlement. Et le hurlement, à l'époque, il a dû marquer, et même encore aujourd'hui, il est assez terrifiant. Je vous le fais écouter tout de suite. Voilà, ça donne une idée quand même de la chose. Donc voilà, et on voit juste sa tête et elle repart. Et voilà, on la verra un peu plus loin. Et même si on sait aujourd'hui, enfin je sais pas s'ils en tenaient compte à l'époque, même si on sait aujourd'hui que c'est un comédien qui est dans le costume de Godzilla, le film fait merveille parce qu'il y a pas mal de maquettes de villes qui sont construites. Et Godzilla, il se filmait, la bonne idée, de loin. De loin, donc c'est pas un truc rapproché, on pourrait voir les détails du costume à la noix, etc. On n'est pas là pour regarder les imperfections du costume. Là, on le voit de loin, Godzilla, il écrase des trucs, etc. Il y a quelques plans rapprochés pour les grosses papattes qui écrasent un peu les voitures, les trucs, etc. Mais D'ailleurs, sinon... je crois que le comédien, en fait, il est mort en 2017, celui qui interprétait Godzilla, celui qui était dans le costume. On pourrait se poser la question s'il n'a fait que ça au C'était, final. alors attends, dit Haruo Nakajima. Attends, je D'accord. crois. Voilà, c'est ça, Haruo Nakajima, si je le dis bien. D'accord. Donc, il est mort il y a quelques années. Et donc, de jour, on sait que c'est quelqu'un dans le costume. Mais je trouve que ça marche encore assez relativement bien, quoi. Alors évidemment, par moment, Godzilla, bon, on se demande si le comédien il a suivi des cours pour essayer d'imiter les varans, les vers de trucs, parce qu'il y a des moments où ça marche, puis il y a d'autres moments où on a l'impression qu'il gesticule n'importe comment parce qu'il est un peu peut-être emmerdé et empêtré dans le costume. Alors, Voilà. je crois qu'à cette époque, il se posait beaucoup moins de questions, en fait. Oui aussi, je pense aussi. Maintenant, de nos jours, quand on voit Andy Serkis qui imite Gollum, etc., qui a vraiment un jeu de talent d'acteur pour essayer de recréer une créature qui n'existe pas, Ah oui, je bah c'est pense ça, c'est que effectivement. je crois que c'était pour Kong de Peter Jackson, je crois que je sais plus s'il est parti au Rwanda ou je sais plus dans quel pays pour regarder les gorilles en fait contre l'avis de Peter Jackson qui voulait pas qu'il y aille parce que c'était un peu dangereux quoi. Je crois qu'il y avait un Oui, truc comme ça. il a eu raison parce que j'aime beaucoup le King Kong Peter Jackson et je trouve qu'il y a un travail formidable qui est fait par Serkis, tout ça, quoi. Du coup, revenons à notre Godzilla. Donc, le film pose la question du problème de la bombe atomique, mais aussi de l'utilisation de la science, les travers de la science par l'homme, notamment quand on voit que tous les missiles, les missiles, les bombes, etc., même les balles, n'ont aucun effet sur Godzilla, à moins qu'un savant, qui est un peu comme un savant fou avec un bandeau noir sur les yeux, ne crée une arme complètement destructrice qui risque aussi de détruire toute vie dans un rayon de 10 à 20 km, donc toute vie animale. Donc voilà, c'est ça le truc. Si tu l'utilises ça sur Godzilla, quand il va être dans l'eau, puis qu'il ressurgit sur l'eau, bah ça risque de détruire toute vie dans les fonds marins, tout ça. Et voilà, je ne vais pas en dire plus, parce que l'utilisation de cette arme, même pour 54, tu vois l'effet, là aussi, il ne montre pas tout de suite l'effet de l'arme, on le voit juste à travers un flashback, et tu te dis, ah oui, quand même, c'est... Ça fait son petit effet, quoi. Tu te dis, ah oui, quand tu vois les cases de poissons qui sont complètement déchiquetées, comme s'il y avait eu un acide qu'ils avaient rongé en vitesse, tu fais, oui, quand même. Donc, voilà. Et pour parler un peu des acteurs en eux-mêmes, il n'y a pas vraiment d'acteur que je connais dedans, sauf un qui est un acteur fabuleux, qui est Takashi Shimura. Takashi Shimura, qu'en fait, les cinéphiles qui s'intéressent au cinéma japonais ont vu dans pas mal de films d'un certain Akira Kurosawa. C'est-à-dire que dans Les Sept Samouraïs, c'est lui le leader parmi les Sept Samouraïs. Dans Chien enragé, c'est lui le policier plein de sagesse en face de Toshiro Mifune qui va apprendre cette espèce de chien fou à se contrôler dans la police, etc., de mieux vivre, tout ça. Un acteur assez immense qui a vraiment souvent la figure du vieux sage, de l'homme qui est plein d'expérience, etc. Et là aussi, dans Godzilla, c'est lui qui incarne le paléontologiste qui ne veut pas que Godzilla soit éliminé. Et pour montrer à quel point quand même les films récents sont assez fidèles entre guillemets à l'histoire de Godzilla. Dans Godzilla, le deuxième King of the Monsters, on fait une référence aux jumelles, les jumelles avec Mothra, tout ça. Dans ce premier Godzilla, on a un certain Docteur Serizawa. Docteur Serizawa qui sera repris donc par un acteur actuel dans le film 2014 et par la suite de Godzilla King of the Monsters, Godzilla 2. Or là, le Docteur Serizawa, c'est celui qui a le bandeau sur l'œil. Ce n'est pas le bandeaugiste qui est bon, c'est celui qui crée l'arme terrifiante qui peut la détruire toute vie. Et par la suite, dans le film de 2014, ce sera plutôt quelqu'un qui est bon, qui veut que Godzilla soit respecté comme une force de la nature, tout ça. Je pense qu'il y a peut-être une espèce d'amalgame des studios hollywoodiens pour essayer de respecter, mais tout à la fois essayer de... Peut-être qu'ils ont un peu compris aussi un mot sur deux. Ouais, puis il y a aussi une question d'époque aussi. Je pense qu'il y a des trucs en termes au niveau des mentalités, de la perception des trucs, des fois on change pour correspondre à l'époque. C'est ça, c'est ça. Mais même pour terminer un peu sur le film de 2014, j'avais beaucoup apprécié qu'à un moment il fasse une référence à Hiroshima et qu'il sorte le film qui joue le docteur Serizawa, une montre qui s'est arrêtée au moment de la guerre, etc., tout ça, etc. Voilà. Même si le film hollywoodien a mis de côté tout ce qui est essai nucléaire, il y a quand même des petits points qui y parlent, etc. Je trouve que c'est intéressant, quoi. Oui, parce que je Bon. crois que dans la version des années 80, enfin 90, je crois, je sais pas quoi, en fait, celle avec Jean 80, Reno et je Matthew Broderick, ne sais pas. je crois que c'était les essais nucléaires à Tahiti, je crois, qui étaient dans le Pacifique, qu'ils avaient pris comme point de départ, c'est ça, non? C'est ça, c'est ça. Mais n'oublions pas que ce film n'existe pas. Non, non, je déconne. Mais ce qui est intéressant, c'est effectivement, même les films hollywoodiens de Roland Emmerich ou même celui de Gareth Edwards ont quand même respecté la mythologie de Godzilla vis-à-vis du nucléaire, vis-à-vis de la créature, tout ça, de ses apparitions. Et d'ailleurs, moi je pensais qu'ils avaient totalement inventé l'espèce de flamme bleue que crache Godzilla dans le film de 2014, mais pas du tout, puisque dès le film 54, Godzilla crache en espèce de feu qui pulvérise tout comme un truc nucléaire, etc., quoi. Avec même les pointes qui s'allument au moment où il va commencer, comme s'il se chargeait comme une arme. Ça, c'est intéressant. Comme une arme qu'il avait débattu tout le truc. Donc, voilà, je vais terminer là-dessus en disant que ce petit Godzilla 52-54, ça reste un petit visionnage un peu sympathique. Le film a un petit peu vieilli par certains aspects, évidemment. Mais ça reste sympathique, quoi. Ça se regarde très bien et c'est cool. Il n'y a pas de temps mort, tout ça, c'est bien. Voilà. Ok, alors, moi je vais enchaîner avec strictement Drôle de voir les morts partout. Voilà, un truc qui n'a rien à voir, encore du Drew Barrymore. Sauf que là, ça repose pas que sur elle, en fait. C'est plus un film à trois personnes. Et encore, je pense que c'est plus, voilà, parce que le film est avec Whoopi Goldberg, ça repose plus sur le personnage de Whoopi Goldberg. Quelle année? Et c'est un film de, avec ou sans homme, de Herbert Ross, de 95. Ah, Herbert Ross avait signé quelques Woody Allen. Comment? Il avait signé un Woody Allen dans les années 70. Ah ouais? Avant que Woody commence vraiment à faire de lui-même ses propres films. Eh oui. Ah, dans les ouais, dans les tout premiers, ouais. Un tout Oui, premier, ouais. le Tombe les filles et tais-toi, c'est ça. C'est ça. Bon, je peux pas dire que ce soit, c'est pas forcément mon préféré, mais moi je, non, dans les premiers Woody Allen, moi j'avoue, j'aime bien, bah il y avait comment s'appelait Zélie, que bon, que j'aime beaucoup. Il y a C'est la forcément période dorée des années 80, ça, la période magique. oui, mais même je crois que c'est Amour et paix, je crois, un truc comme ça, je sais Guerre et plus. amour. Et Amour, Guerre-Amour, ouais. Ouais, Et qui est j'adore. sympa aussi. Bananas. Oui, Bananas aussi. Bah oui, Bananas, forcément. Mais avec puis forcément le plus classique, là, tout ce que vous avez voulu savoir sur le Le sexe sans avoir de ce qu'est, enfin le passage avec Gene Wilder, sérieux, quoi. Enfin voilà, quoi. mouton. Mais la première fois que je l'ai vu, j'ai fait que je le vois deux fois quand même, ce truc-là, parce que je me suis quoi, Il avait aussi, il a fait des tu nuits pour les nuls. Enfin bon, bref, revenons à Andrew. Donc avec ou sans homme de Herbert Ross. Donc en fait, c'est l'histoire de deux femmes, Robin et Jen. Donc Robin interprétée par Mary-Louise Parker et Jen interprétée par Whoopi Goldberg. En fait, elles prévoient toutes les deux de faire la route et elles se rencontrent pour faire la route ensemble, en fait, pour éviter d'être seules l'une et l'autre et enfin d'aller vers leurs destinations respectives. En chemin, elle s'arrête voir le personnage de Holly que Robin connaît en fait. Et Holly est la fille avec un mec qui est dealer et abusif en fait. Elle la connaît comme par hasard sur la route. Mais non, pas du tout. C'est que c'était sur son chemin d'aller la voir. Ah, bon. Et en fait, du coup, donc Holly vit avec un mec qui est dealer et abusif. Et donc voilà, une suite d'événements. Donc elle a réussi à s'en débarrasser. Et ils vont se barrer. Et en fait, une suite d'événements va les obliger toutes les trois à s'établir quelque part. Alors qu'à la base, elle prévoyait de faire l'autre quand même. Et l'autre, le personnage de Lee, c'est pas prévu qu'elle se barre non plus. Le film, en fait, il est vendu comme un road movie. C'est-à-dire que moi, quand j'ai vu la bande-annonce, au départ, je voulais pas le voir parce que je me suis dit que ça serait un road movie un peu chiant. Enfin, bon, bref. Et en fait, pas vraiment. C'est pas vraiment un road movie, en fait, parce que y a une première partie, oui, qui fait penser à un road movie, puis une deuxième partie quand ça commence à s'installer, quoi. Bon, alors dans le casting, donc on a Whoopi Goldberg, qui elle est en pleine période de gloire. En sachant que la même année, elle a fait Théodore T-Rex, hein. Le film futuriste où elle doit faire équipe avec un dino qui parle. Voilà. Allô? Oui, je suis là, mais j'essaie de voir ce que je trouve. En fait, j'en ai aucun souvenir. T'es parti loin, toi, en fait. Pas du tout. Ouais, Pas du tout. si je t'entends loin. Et donc en fait, là, en fait, elle joue une musicienne rock et que une musicienne rock et lesbienne. Voilà, c'est parce que c'est le détail est important vu qu'ils font référence assez souvent dans le film. Et on a Mary-Louise Parker qu'on voit souvent, bah, maintenant à la télé en fait, et qui dans le film incarne une femme qui est assez fleur bleue, qui a l'air un peu tradie parce qu'elle aspire à une vie de famille parfaite, tout ça. Mais en fait, on apprend que bah un truc assez tragique sur elle plus tard, quoi. Et en fait, il y a aussi donc Drew Barrymore qui interprète Holly, donc qui elle est un peu esclave de son amour des hommes en fait, et qui avoir besoin de Robin et Jen pour se trouver, c'est-à-dire que pour voilà, pour éviter de penser qu'elle peut avoir une relation qu'elle peut se trouver au-delà de juste une relation avec un homme, quoi. Donc en fait, on a donc Drew Barrymore qui est dans un rôle assez qui est pas qui est assez différent de Poison Ivy, parce qu'en fait, si Poison Ivy, en fait, dans Ivy, elle était calculatrice et séductrice, là, Holly, elle se laisse porter par ses rencontres avec les hommes et elle sait qu'elle a du charme, hein. Elle en joue un peu, mais elle calcule rien et elle est bien plus pétillante qu'Ivy. Elle était plutôt fatale. Ça sent un feel good movie. je sais pas. À la fin, c'est pas très feel good. Mais voilà, du coup, on pourrait croire que c'est un film où les hommes sont en mauvaise posture et ont une mauvaise image, mais pas du tout, parce que c'était sans compter le fait que le film est écrit par un homme, réalisé par un homme. Donc, ça aurait été curieux quand même. Écrit par un homme, bah Don Ross, parce que Don Roos plutôt. Don Roos, Ross, je sais pas comment ça se précise, parce que ça s'écrit Roos, donc voilà. Lui, il a fait ses armes à la télé, hein, donc dans des trucs genre L'amour du risque, Dynasty, voilà des trucs comme ça. Il a Ouais, c'est quelqu'un retra de compliqué, quoi. Il a travaillé après beaucoup pour la télé également, pour genre pour Web Therapy ces dernières années avec, je crois que c'est le je crois le truc, la série TV avec celle qui faisait Phoebe là dans Friends. Je sais plus trop. Bref, c'est plus Alors, son je n'ai truc, pas c'est. regardé Friends, donc je ne peux pas te dire. Non, mais c'est pas grave. Son truc, c'est plus la télé que le cinéma, a priori. Après, il a fait des trucs en cinéma, il a fait des trucs genre jeune fille partagée à appartement quand même. Donc bon. Et donc voilà. Et donc celui-là, avec ou sans homme. Et Brandon et Herbatross, donc comme tu le disais tout à l'heure, il a bossé avec Golden, mais il a quand même il a quand même fait Footloose quand même. Ouais, mais C'est quand même c'est le réalisateur. l'artisan, quoi. C'est le Un bon artisan, c'est Robin. réalisateur de Footloose quand même, donc Ouais. bon, mais voilà, rien qu'avec ça, il a marqué le cinéma. Donc voilà, et initié plein de souvenirs chez plein de personnes. Bon, après, il a fait plein d'autres trucs, mais un peu moins connu. Enfin, il a quand même sa petite carrière sympathique. Enfin, il a arrêté de, alors, il est décédé en 2001. Il avait arrêté de réaliser en 95. Voilà. Ah, oh, bon, et ben il a fait ça. Oui, j'ai reposé un petit peu à mon mère quand même. Et donc, parce qu'en fait, du coup, l'image des hommes, bah, excepté le dealer et un avocat qui est un peu dans son rôle, en fait, on a un ton assez progressiste où les hommes, en fait, s'en sortent pas trop mal, en fait, avec tout ça. Et en tête, Matthew McConaughey, qui joue dedans. Ah. Et qui joue un flic hyper clean, vertueux, qui est prêt à soutenir sa compagne malgré tout, en faisant fi de son ego. Enfin voilà, quoi, le gars, voilà, nickel. Et il y a James Remar, en fait, qui, moi, je le connaissais pas spécialement. Voilà, il a une sacrée carrière, parce que je pense qu'il a dû faire plein de second rôle, donc plein de trucs qui est pas forcément les plus connus. Voilà, bref. Oui. Et juste, en fait, moi je savais juste qu'en fait il tient un rôle maintenant dans la série DC Black Lightning, c'est tout. Mais à part ça, je le connaissais pas, quoi. Et là, il joue un gars qui est barman, en fait, qui évolue dans un milieu lesbien, qui est très à l'aise avec ça et qui en plus n'est absolument pas rebuté par une nana qui a une maladie grave. Donc voilà, c'est en termes d'image masculine, je pense qu'on est bien là. Un homme qui n'existe pas. D'ailleurs, le titre anglais, c'est Boys on the Side. Sous-entendu, les hommes sont pas la priorité, mais les hommes sont toujours là, les hommes sont sur le côté, quoi. C'est juste qu'ils, voilà, mais ils sont toujours là. Donc, alors que Bien, le. bien, un. D'ailleurs, en salle perso, Dolly, en fait, jouée par Drew Barrymore, en fait, elle a un peu de mal avec ce côté-là, à mettre justement les mecs sur le côté. Et du coup, après, c'est ce qu'elle apprendra par la suite à composer, en fait, justement, avec ses deux côtés d'elle-même. Il y a aussi une scène de procès où justement en fait on n'est pas à rentrer dans la confrontation genre les hommes contre les femmes, mais où justement en fait t'as le personnage de Marilyn Parker qui essaye d'expliquer ce qu'est la solidarité féminine, et en fait son premier réflexe de dire oui mais je suis pas en train de dire qu'on est mieux machin et tout, parce que vous avez ça aussi vous les hommes, voilà, ce genre de truc où entre personnes du même sexe on se comprend plus facilement, voilà, Not all c'est. women, not all women. Mais du coup, en fait, c'est juste ça, c'est, en fait, elle essaie d'expliquer la solidarité féminine en expliquant que, ben, les mecs aussi ont la solidarité masculine, donc c'est tout, c'est voilà, il n'y a pas de confrontation, mais juste de se dire, ben voilà, nous aussi, on a chacun notre truc, voilà. Et donc, qu'est-ce que j'allais dire? Oui, en fait, pour moi, en fait, je trouve qu'il y a quand même, c'est quand même assez progressiste comme discours. Et on est en 95, en fait. Et plus ça va, plus on se retrouve sur les films du passé, on se rend compte qu'il y a plein de films qui avaient un discours progressiste et certains films seraient faits maintenant. On aurait un tollé à base de ah, les JV et tout, machin, c'est à la mode de faire ce genre de film, alors que non, bah non, en fait, quand tu regardes dans le passé, il y avait quand même des films qui se faisaient déjà avec un ton progressiste, quoi. Donc voilà. Ensuite, après, voilà, comme j'ai dit, entre l'intro façon road movie et le reste, j'ai l'impression qu'il y a un peu de film, mais je vois pas comment j'aurais pu faire autrement en même temps. C'est-à-dire que. Enfin, d'une manière générale, c'est assez fluide quand même, hein. Le film, en fait, il a la patte des films de studio de ces années-là, tu vois. Tout est rodé, tout est nickel. Enfin, t'as pas un truc de travers. C'est plaisant à voir. En fait, t'as le taux d'émotion typique, en fait, de ces années-là. Parce que la fin, on verse quand même cette petite larme. Voilà. Donc voilà, le cahier des charges est rempli. Tout est nickel. Et après, il y a cette notion dans le film de dire qu'on peut repartir de zéro quand on veut, qu'on peut s'établir où on veut, que finalement, ce qui compte, c'est la famille qu'on se crée et que on peut affronter n'importe quoi si on l'a avec soi. Voilà, c'est cette notion-là, quoi. Parce que bon, moi, je suis quand même assez surprise que nos persos en 3 mois arrivent à s'établir dans une communauté et à vivre comme si ça faisait y être intégrés comme si ça faisait 10 ans qu'elles étaient là. Mais bon, soit. Il y a quelques petites incohérences, voilà, ou de félicité de scénario, mais finalement assez peu, en fait, ça passe crème. Voilà. Parce que en fait, d'une manière générale, au niveau des personnages, tu sens qu'il y a deux communautés finalement en fait dans le film. Il y a la première avec les trois personnages et finalement par la suite la mère et le petit ami d'un des persos qui viendront composer la première communauté, mais comme une deuxième couche. Et puis il y a aussi celle dans laquelle elles évoluent et qui renforce finalement ce noyau, cette première communauté, quoi. Le film est assez plaisant finalement et enfin si on aime vraiment ce genre de film, hein, où on se penche sur la sensibilité de personnage, moi je peux comprendre qu'il y ait des gens qui soient pas sensibles à ça, mais dans son genre, le film est assez plaisant et plutôt bien fait. Ok. Voilou, Ok. Eh ben, it's my turn. voilou. It's your Alors, donc du coup, je vais, après le gros monstre en noir et blanc, je vais aborder plein de petits monstres en film d'animation. Avec Wizard, les sorciers de la guerre, donc son titre français, magnifique titre, de Ralph Bakshi. Ralph Bakshi, quelques mots sur lui, qui est-il? Ralph Bakshi, en fait, c'est un directeur d'animation et ensuite un réalisateur de films d'animation qui a souvent travaillé en indépendant. On connaît l'histoire, c'est un peu comme un certain Tim Burton, c'est quelqu'un qui se barre un peu de Disney, comme Don Bluth, etc., comme plein d'autres talentueuses personnes qui vont faire leur propre film, beaucoup plus adulte et, je vais pas dire dérangeant, mais bon. Bah, d'ailleurs, Ralph Bakshi, son premier long métrage, ce sera un certain Fritz the Cat. Si je me trompe pas, Ah Fritz the Cat en 72, adapté de la bande dessinée du maître de l'underground Robert Crumb. Donc déjà la BD de Crumb, elle est, ben voilà, c'est un peu de l'existentialisme, mais saupoudré d'un peu de violence, un peu de cul, tout ça, qui montre la ville de New York à travers les yeux d'un espèce de chat qui est une espèce de petit voyou, quoi. Et le film, Bah en dans fait, le il avait film. fait beaucoup, beaucoup de courts, en fait, jusqu'ici. C'est ça. Il a un paquet de films courts, en fait. Prince, c'est son C'est ça, premier long, quoi. il s'est rodé depuis 63 et 10 ans plus tard, quasiment après, là, il sort enfin son long, Fritz the Cat, et le film va être quand même un certain succès, en partie grâce au tollé, mais aussi parce qu'il y a des fans de Crumb, puis aussi parce que dans les années 70, voilà, c'est vraiment la décennie où les gens, ils ont envie de voir des films un peu plus adultes, un peu plus matures. Pendant même Disney va tenter des films qui vont sortir de ces sentiers battus, Disney, ouais, on va en Ah, parler à l'avenir. lesquels? Ben, Moi, écoute, je je pense. veux bien savoir, je veux bien voir, tiens. Je pense au Dragon du Lac de Feu, je pense à Tron dans les années 80, Ah oui, je bon, pense bon. à Something Wicked This Way Comes, adapté de Bradbury. Il y a aussi un autre film avec des gamins qui ont vu l'extraterrestre, mais ça, c'est le truc qui n'a jamais marché en France. Mais c'est un truc qui s'appelle La Montagne Magique, je sais plus trop quoi. Et après, il y a même eu un remake plus tard. Ah non, mais je pensais en dessin animé en fait, en dessin animé adulte, Ah, ce que nous Disney avons aurait Peter pu Elliot faire. Dragon. Peter Et Elliot Dragon. oh, ça faisait adulte ça? J'ai pas le souvenir. Faudrait Bah, le quand même, revoir. je dirais pas que c'est totalement adulte, c'est plutôt pour les enfants, mais quand il y a quand même des passages où on essaie de capturer un dragon, etc., ou même de le buter dans le filet, tu fais, ah, oh, c'est un peu violent, quoi. D'accord. D'ailleurs, en animation, Disney, il ne faut pas oublier, dans les années 70, Taram et le Foudre Magique. Mais bon, les gosses, c'est un de leurs gros flops, quoi. Bah oui, le problème, c'est que quand Disney a voulu à chaque fois faire un pas de côté, ils se sont fait un flop, et Taram et le Foudre Magique, c'est, attention, le premier et dernier film à montrer des morts-vivants chez Disney. Donc voilà. Ouais. Mais voilà, à travers à la fois les films avec des vrais acteurs comme donc La Ronde de Feu, même le trou noir par exemple, et même les films d'animation comme Taram et le Foudre Magique, et même beaucoup plus tard, on aura, je sais que c'est les années 80-90, il y aura Basile détective privé qui a été un semi-succès, qui est assez violent, assez violent quand tu vois le Moriarty qui est une espèce de gros chat qui est prêt à sa solde à bouffer les autres souris, le truc c'est bon, ok. Donc revenons à Ralph. Bakshi, les mondes de Ralph. Ça va être ça, les mondes de Ralph. Donc, prise de 4 en 72. Il y aura Kunskin en 74. Et Kunskin, dès le départ, pour avoir montré la vie dans le ghetto, etc. Et toutes les minorités noires vont s'élever et dire, ah, regardez, il nous a caricaturé, tout ça, etc. Voilà. Alors que quand tu connais l'œuvre de Ralph Bakshi, ben non. Lui, c'est quelqu'un qui a toujours été du milieu underground, et tout ce qu'il veut, lui, c'est remuer un peu le truc, mais il l'a jamais fait en insultant les minorités, ou même les autres gens, ou même les fans de Robert Crumb qui ont vu Freeze le 4, ils sont pas sentis insultés, ni rien. Bah après, je pense qu'il y a aussi des trucs où quand il y a des gens qui font des trucs sans se rendre compte que c'est insultant en fait. Parce que c'est des trucs intégrés, donc il y a peut-être ça aussi. Après, j'ai pas vu un Coonskin, mais voilà, il y a peut-être ça aussi, c'est-à-dire que il y a des trucs tellement intégrés que qu'on se rend pas compte. Non, le truc avec Ralph Bakshi, c'est que c'est quelqu'un qui aime bien déranger et taper un coup dans le truc. Moi, je me rappelle Cool World que j'avais vu l'an dernier, Cool World qui date de 92, qui signait son retour sur le grand écran après une période de vache maigre, de téléfilm, tout ça. Cool World, quand on regarde encore le film, c'est ouh, le malaise, le malaise regarde le film quoi. Mais Cool World, non, je sais pas si on avait parlé en film de fun, peut-être pas. Je ne m'en D'accord. rappelle plus. Bah je sais pas, non je crois pas, mais par contre je l'ai de côté aussi, donc on peut se faire un autre visionnage. Non, non, je l'ai vu, ça me suffit. Je l'ai vu une fois, ça me suffit. Tu comprendras en le voyant. Ralph Bakshi, il a une certaine ambition. Son rêve, ce serait de dater le Seigneur des Anneaux. Parce qu'il est amoureux du truc, etc. Tout ça. Et d'ailleurs, il va pouvoir l'adapter. Mais on va y venir après. Il va adapter sur les anneaux en 78, mais juste avant, il va y avoir Wizard en 77, les Seigneurs de la Guerre. Il faut aussi noter qu'il va faire Tigra, la glace et le feu en 83, Tigra qui se base sur les dessins de l'illustrateur Frazetta, et Tigra d'Heroic Fantasy, etc. Déjà, Wizard se mélange science-fiction et fantasy, et même s'il y a une influence de Tolkien dans Wizard, il y a quand même l'influence de Metal Hurlant. Metal Hurlant, dans les années 70, qui s'est exporté le magazine français de science-fiction, de fantastique et d'horreur, Metal Hurlant, qui a été un succès fou, à tel point que en France, Metal Hurlant va s'éteindre dans les années 80. Par contre, aux États-Unis, il va continuer, il existe encore Metal Hurlant aux États-Unis. C'est devenu une institution, le magazine continue, Metal Hurlant version américaine. C'est assez étonnant. Donc, les sorciers de la guerre, donc en 77, ça va être un peu pour lui la carte de visite, si le film marche, qui va lui permettre de réaliser son rêve d'adapter sur les anneaux. Et le film sortira en fait. Peu de temps avant un certain Guerre des Étoiles, 3 4 semaines avant, c'est un film qui s'appelle La Guerre des Étoiles. Je le dis parce qu'il y a un certain Mark Hamill qui a à peine un rôle de 2 secondes dans les sorciers de la guerre. Mark Hamill, mais en fait, le plus important anecdote, c'est George Lucas qui avait encouragé Bakshi, qui avait prêté Mark Hamill. Et du coup, le film est sorti peu de temps avant. Il devait sortir en même temps que Star Wars, mais du coup, on a demandé à ce qu'il sorte juste avant Star Wars. Bon, pour ne pas se faire d'illusions, le film a été balayé par le raz-de-marée qui a été Star Wars, Tu évidemment. m'étonnes. Comme tout plein de films à cette époque-là. D'ailleurs, on va pas taper sur Star Wars. S'il n'y avait pas eu Star Wars, on n'aurait pas eu Alien. Puisque la Fox s'est tombée. Oh, la science-fiction, ça marche. Ah, bah, on va mettre des choses dans votre film, et de Monsieur Ridley Scott. Ah, on sait pas trop ce que c'est. Il parle de la science-fiction, ça va marcher. Pourtant, c'est pas la même ambiance, là, mais c'est C'est pas la même ambiance. Non, non, non. Mais du coup, il va quand même avoir un certain succès d'estime qui va lui permettre, du coup, de pouvoir tourner Le Seigneur des Anneaux. Malheureusement, le Seigneur des Anneaux, il va y avoir des problèmes, il pourra jamais tourner la suite, tout ça. Bon, c'est une autre histoire. On y reviendra une prochaine fois, vu que j'aimerais bien me le voir aussi. Et dans le Sophie de la Guerre, donc du coup, le casting, il n'y a pas vraiment de personnes connues, à part donc le petit caméo de Mark Hamill pour 2-3 secondes. Donc, qu'est-ce que raconte le Sophie de la Guerre? En fait, dès le début, le film s'ouvre avec la Terre qui explose. Donc, ambiance, la Troisième Guerre mondiale, on l'a eu dans le cul, on a fini par la voir. Et quasiment 1 million d'années plus tard, 1 million ou 2 millions d'années, il y a la vie qui revient, tout ça, etc. Et la vie qui revient, il y a à la fois des humains, mais aussi des elfes, des trolls, plein de créatures féeriques, comme si elles n'étaient jamais disparues. Peut-être qu'elles attendaient juste que l'humanité disparaisse pour pouvoir à nouveau occuper les lieux. Et il y a des zones qui sont irradiées, évidemment, des zones maudites. Et il y a deux sorciers qui vont naître. La reine des fées va avoir deux sorciers. L'un qui va représenter le bien, évidemment, et l'autre qui va représenter les ténèbres, le mal. Alors dit comme ça, c'est un peu manichéen, et on pourra pas nier que le film, le scénario, est un peu avec des gros sabots. Et je vais y venir pourquoi. Mais dans le même temps, j'aime bien croire que c'est un peu plus nuancé que ça. Alors je vais pas spoiler. Je sais pas spoiler, etc. Mais par exemple, il y a un robot qui sert le mal, qui va être hop, il va être remotivé, il va être reconstruit, et il va servir le bien, il va servir même, mais il y aura quand même cette espèce d'hésitation. Il y aura toujours le mal qui guettera en lui. La princesse des elfes qui accompagne le bon magicien, elle va subir aussi la tentation du mal. Même le peuple des fées pourra représenter une menace. Voilà. Et même le final, le bon sorcier qui s'appelle Avatar, rien à voir avec James Cameron, hein, le bon sorcier qui s'appelle Avatar, il va, enfin je vais pas spoiler, mais disons qu'il va utiliser une technique interdite pour vaincre le mal, je vais pas en dire plus. D'accord. Mais la série principale du film, c'est que c'est toute une réflexion sur, à nouveau comme pour Godzilla, le problème de la science, qu'est-ce qui se passe si la science tombe dans notre mauvaise main, et qu'est-ce qui se passe si le cinéma est mal utilisé. Parce que là, le sorcier du mal, Black Wolf, et chaque fois il veut faire des incursions dans le territoire des elfes, mais ses troupes, elles aiment pas trop se battre, elles préfèrent respirer les petites fleurs, regarder les papillons, etc. Ce qu'il faut, c'est un bon truc pour motiver ses troupes. Et il va se regarder dans le passé, les armes du passé, il va faire ressurgir des tanks, des trucs qui n'ont pas été détruits. Il va même ressurgir des bandes de cinéma. Et qu'est-ce que c'est que ces bandes de cinéma? Eh ben, c'est les discours d'Hitler qu'il va projeter à ses troupes pour les motiver. Ah ouais, je t'ai dit, c'est des gros sabots, mais voilà, en même temps, c'est un discours sur la propagande qu'il veut utiliser, etc. Il n'est pas le premier. Si on se souvient de Leni Riefenstahl, qui avait été utilisé justement par les nazis pour leur propagande, bon, voilà. Donc, du coup, c'est un peu son arme secrète. Et j'aime beaucoup le propos de réutiliser le cinéma comme une arme, quoi. C'est pas nouveau. On a tendance à l'oublier que le cinéma peut être destructeur, qu'il peut propager un message. Et du coup, voilà, ça, c'est un peu dérangeant. On va pas le nier, c'est vraiment dérangeant. C'est le point fort de Wizard. L'autre point fort, parce que le scénario a quand même des hauts et des bas, il y a quand même des moments où il se passe, je peux pas dire pas grand-chose, mais on s'ennuie un petit peu, tout ça. L'autre point fort, c'est le graphisme du film, et aussi l'aspect totalement adulte. L'aspect totalement adulte, parce que voilà, il y a des gens qui se font zigouiller, il y a du sang qui coule, etc. Tu vois les gentilles créatures, mais même les elfes avec leurs arcs qui tirent. Et autant dans Seigneur des Anneaux de notre cher Peter Jackson, ben, tu vois pas trop le sang à l'écran, ce qui est étonnant pour le réalisateur de Brain Dead. Autant là, quand tu te fais atteindre par les flèches, ben, ça gicle, hein. Et graphiquement, en fait, il va engager plein d'animateurs, et même beaucoup d'artistes. Il y a une chanson, la voix off du générique est chantée par, la voix off, pardon, du scénario, c'est Suzanne Tyrell, qui n'est pas créditée. Tout comme la chanson du générique final, c'est une actrice qui fait la princesse Elinor qui fait aussi le générique de fin, qui chante, qui n'est pas créditée du tout. J'ai regardé sur Discog, elle a même sorti des albums de musique dans les années 80. Ah, bon. Mais pour le graphisme, il y a plusieurs illustrateurs, plusieurs dessinateurs qui sont mis à contribution. Notamment Mike Plougue, qui à cette époque-là travaille chez Marvel, donc c'est l'édition Marvel des années 70 avec les super-héros, voilà tout ça. Mike Plougue qui signe pas mal de séquences à l'image, parce qu'il filme à la fois des fonds qui sont inanimés avec l'arrière-plan qui bouge, et il y a aussi des moments où Ralph Bakshi va utiliser ce qu'on appelle la rotoscopie. La rotoscopie, c'est le fait de filmer des acteurs et de repeindre par-dessus. C'est une technique qui n'est pas vraiment employée régulièrement, mais ça fait toujours son petit effet pour avoir des mouvements extrêmement fluides. Alors, je sais pas si tu vois Catou, le réalisateur de Waking Life, et qui avait aussi adapté Philip K. Dick avec Substance Mort. Et ben Substance Mort, avec des vrais acteurs comme Winona Ryder ou Keanu Reeves, ça réemployait la rotoscopie, c'est-à-dire qu'il a d'abord filmé les acteurs et après il a repeint par-dessus l'image. Ah oui, c'est Scanner Darkly, non? Ça, c'est ça, Substance Mort, Scanner Darkly, tout à fait. Et ben voilà, Ralph Bakshi, c'est quelqu'un qui revendique utiliser plusieurs techniques à l'image, et c'est pour ça que par moments c'est un peu épuisant, on va le dire. C'est beau esthétiquement, c'est une claque, mais c'est un peu épuisant. T'as envie que tout soit homogène, comme dans l'animation japonaise ou chez Disney ou d'autres trucs, parce que par moments tu vois que c'est pas homogène. T'as un truc magnifique et puis après tu passes à un dessin qui est presque bâclé, tout ça, qui est animé, etc. Tu repasses au truc. Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu pénible. Un peu pénible. Et c'est dommage parce que le propos de Wizard est intéressant, le film est pas mal, et s'il avait pu être, le scénario un peu plus subtil, si le film avait pu être esthétiquement et artistiquement homogène de bout en bout, le film aurait pu être un très grand film. En l'état, c'est juste un bon film, mais ça aurait pu, on aurait pu toucher à un très grand film. Mais après, je suis pas étonné, quand tu vois le film, tu te dis, ah oui, quand même, quand tu prends une espèce de claque visuelle quand tu vois le film. Et c'est pas étonnant qu'on lui ait débloqué des crédits qu'il a pu faire sur les anneaux par la suite, uniquement le premier film malheureusement, avec des choix qu'il a simplifiés lui-même. Mais bon, après, même Peter Jackson n'a pas adapté sur les anneaux fidèlement non plus. Beaucoup de gens qui sont fans de Tolkien râlent en disant que le personnage de Tom Bombadil est inexistant dans les trois films. Il n'existe pas du tout, il était viré par Peter Jackson du scénario, quoi. Bon, après, c'est pas un personnage qui est si essentiel que ça, j'ai envie de dire, parce que c'est un personnage qui apporte les chants, la musique et qui narre un peu le truc, quoi. Donc bon. Bah après, quand tu fais une adaptation, t'es obligé de faire des choix, hein, donc, C'est ça. Et en même temps, l'adaptation de Peter Jackson, elle dans l'essence, elle est quand même hyper fidèle dans l'essence, quoi. Et même Wizard, c'est presque du Tolkien complètement dégénéré à la lettre, quoi. Donc voilà, un film assez intéressant que je regrette pas d'avoir vu et que je voulais voir depuis longtemps. Et voilà, quoi. C'est pas un grand film. C'est un peu dommage, parce que Ralph Bakshi, à chaque fois, j'ai l'impression qu'il s'aborde un peu tous ses films, quoi. C'est le troisième film que je vois de lui. J'ai l'impression à chaque fois qu'il arrive à s'aborder ses films, quoi. C'est fou, quoi. Il faudrait que quelqu'un soit derrière son dos et lui dise, ah non, Ralph, là, on te donne plus de crédit, plus de trucs, mais tu finis cette scène. Tu la bâcles pas en trois coups de crayon. Voilà, quoi. C'est dommage. Ah, voilà. Bref, c'est un bon film, mais c'est quand même un peu bancal. Ouais, c'est pas aussi prometteur que ça aurait pu l'être, quoi. Non, non, non. Ça se regarde après tout, hein, mais c'est bon. Voilà. Ok, comme à l'école, peut mieux faire. Ouais, c'est ça, c'est ça. Alors, moi, de mon côté, alors j'ai enchaîné avec College Attitude. Oui. Donc un troisième film avec Drew Barrymore. Alors c'est un film en fait où parce qu'en fait ça son retour de carrière il est progressif tout au long des années 90. Ses plus gros succès ont été dans les années 2000 et je pense qu'avec College Altitude c'est un peu le film en fait qui amorce comme ça. Bon après il y avait eu Wedding Singer je crois un peu avant ou des trucs comme ça qui était voilà en 98 Wedding Singer et College Altitude est 99. Mais on est sur voilà sur des trucs où c'est la période où elle commence vraiment à être plus bankable elle toute seule quoi. Donc College Attitude en anglais Never Been Kissed de Raja Gosnell de 99 donc. Donc en fait l'histoire c'est l'histoire de Josie Geller qui a 25 ans qui aspire à devenir journaliste mais en attendant en fait son patron persiste à la garder sur un poste de secrétaire de rédaction où certes elle est bonne mais elle n'est pas satisfaite et sa vie amoureuse est quand même bien vide aussi. Bref, son grand moment arrive quand le patron de son patron l'envoie en couverture dans un lycée pour jouer les adolescentes et faire un article sur la jeunesse. Et bien sûr, elle va revivre ses années lycée où elle était ce qu'on appelait une loseuse parce qu'elle était une espèce de nerd ou une geek, elle était moche, enfin dite moche, pas avec les trucs. Enfin, il y a un côté clownesque hein, quand elle le joue, la meuf moche. Hein. C'est vraiment, tu sais, le cliché clownesque qu'il y avait. Dans les années 80-90, quoi. Après, bon, alors, Raja Gosnell, comme réalisateur, Enfin, lui, il a déjà, il a d'abord, il a commencé comme monteur en fait. Il a bossé sur Pretty Woman, Maman j'ai raté l'avion, Mrs. Doubtfire, C'est et pas lui qui a fait Scooby-Doo? Kaya C'est pas lui qui a tourné Scooby-Doo? Eh ben attends, laisse-moi y venir, mec. Attends, et donc du coup, là, je suis à sa carrière de monteur. Et donc collège d'attitude. Alors collège d'attitude, c'est curieux parce qu'en fait c'est marqué d'un côté qu'il a fait du montage. En même temps, t'as une autre équipe officielle. Je pense que le gars, voilà, quand t'es monteur et que tu fais un film, à mon avis, t'es sur le dos des monteurs. Je pense que c'est plus ça, quoi. Et c'est collège d'attitude et son deuxième long métrage en tant que réalisateur. Et en tant que réal, justement, son créneau, c'est le divertissement familial. Comme justement par exemple avec les deux films Scooby-Doo et les deux films Schtroumpf. Bon bah écoute, il n'y a pas de Voilà. comédie. Oui. Alors curieusement, son dernier film sorti, qui était de, alors attendez, je vais te dire, qui est assez récent, je crois qu'il est de 2020, il me semble, dans lequel joue son fils. Et qui a été adapté en fait aussi par son fils et l'adaptation d'une pièce à succès qui s'appelle Gun and Hotel Bible a plutôt en fait a plutôt des airs de film indé, ce qui tranche vachement avec ce qu'ils avouent. Alors pour Collège d'attitude, en fait, ce qui m'a frappé, c'est le casting, parce qu'à l'époque on savait pas trop comment tourneraient certains acteurs, mais on a des acteurs qui avaient le vent en poupe à l'époque, comme Michael Vartan ou Lily Sobieski, c'était pile leur époque. Il y a ceux en fait où on a toujours l'impression qu'ils ont toujours été là, genre comme John C. Reilly ou même David Arquette en fait, qui lui était en pleine période juste après Scream en fait, parce que Scream c'était quoi, 96, 95, je sais plus. Enfin bon, il est dans ces années-là où il n'était pas encore trop has-been. Je crois qu'il a fait has-been dans les années 2000, hein, David Arquette, je crois. Et après sur les, il y a des films sur les, qui dans lesquels il a été ces dernières années où finalement il n'était pas si mal. Mais voilà, et ils jouent respectivement le patron et le frère du perso de Drew Barrymore. Après, t'as aussi ceux qui débutaient, comme Jessica Alba, qui avait quelques rôles à son actif, mais dont c'était pas encore la grosse époque. Et t'as James Franco dans un tout petit rôle, en fait. Et la même année, en fait, il débutait dans Freaks and Geeks, la série, qui allait le faire remarquer, justement. Et tous les deux justement jouent les gamins cool du lycée, hein, bien sûr. On a aussi Octavia Spencer qui était dans ses premiers films et qui joue une collègue de travail. Et bah ouais. Et donc on a, alors on a aussi Cress Williams. Alors le nom il est pas connu, mais en fait maintenant 20 ans plus tard en fait, bon, sachant qu'il a fait, il a pas rien fait entre les deux, il a fait pas mal de trucs, mais il a enfin un rôle principal dans la série DC Black Lightning. Ça fait comme deux films en fait où Drew Barrymore elle a joué avec des mecs de Black Lightning, hein. Donc bon. Bref, il y avait quand même une galerie de second rôle qui était assez solide, sur lequel Drew Barrymore pouvait s'apitoyer, et une galerie de second rôle qui incarne un ensemble de personnages qui donnent de l'étoffe au film. Parce que sur les ressorts comiques, en fait, j'avoue que voilà, je suis peut-être un petit peu difficile parce que je trouve ça pas super hilarant. Par contre, on est clairement aux antipodes du rôle joué dans Poison Ivy pour Drew Barrymore parce que. Déjà parce que la séduction du personnage n'est pas la même. En fait, il ne s'agit pas d'être sexy accessible, enfin d'être sexy, mais plutôt accessible justement et touchante. Après, t'as certains ressorts comiques, moi, qui m'ont fait penser au film en fait qui est sorti sur Netflix l'an dernier, dans lequel Drew Barrymore jouait. Et le film qui s'appelle Le Beau Rôle, dans lequel elle incarne une star de cinéma et sa doublure. Et quand on voit le type de rôle en fait que ce personnage-là qu'elle joue dans ce film fait, on peut pas s'empêcher de penser à certains films de Drew Barrymore, comme justement Collège d'attitude, quoi. Après, j'ai un peu de mal avec la progression du personnage que personnellement je trouve maladroite, en fait. Il y a une fin toute pétée, mais clairement là, pour être une sorte de point culminant en fait du romantisme, mais qui arrive avec des gros sabots. Alors que, Ah. voilà, c'est Moi, je sais pas. En fait, t'as le début, le premier plan, c'est censé te ramener à ce qu'il y a à la fin. Et je pensais pas du tout à ça, en fait. Hein. J'aurais pensé quelque chose de plus sympa, plus ambitieux, plus en rapport, en fait. J'ai vu la fin, je suis, ah, c'est ça? Ok. Bon, en fait, j'ai l'impression que, enfin, voilà, l'histoire d'amour du personnage de Drew est en arrière-plan, en fait, tellement elle est mal construite, alors qu'en anglais, le film s'appelle Never Been Kissed. Et que l'enjeu, en fait, n'avoir, en gros, n'a jamais été embrassé, quoi. Et que l'enjeu romantique, en fait, devrait au moins faire un peu envie, en fait, quand tu regardes le film. Et il n'y a même pas un petit oh qui sort, en fait, quand tu regardes le film. Et la complicité, en fait, le film entre Drew Barrymore et Michael Vartan est plat. Mais je peux limite comprendre, tu vois, que ça ait mieux marché professionnellement avec Adam Sandler, quoi. Parce que Vartan est rigide. Alors que Adam Sandler, bon bah voilà, il y a du comique, il y a de ouais, suscite de l'émotion quoi. Par contre, on est quand même, ouais, je le disais, dans son style de comédie où les personnages secondaires sont un peu plus développés et c'est plutôt sympa parce que ça évite que tout repose juste sur la simplicité du scénario et ça évite que tout repose sur le personnage de Josie Geller qui est quand même bah, assez gourdasse quoi. C'est d'ailleurs un peu là-dessus que ressort l'aspect comique quoi. Elle est gourdasse, intelligente mais maladroite et gourdasse quoi. Et je parle pas de la jeunesse du personnage, tu vois, je parle tout à l'heure. Enfin, je disais, c'est cliché, c'est presque dérangeant à quel point c'est cliché, son personnage de quand elle est censée être gamine, quoi. Perso, enfin, moi, j'ai jamais été réceptive, tu vois, à ce côté-là. Ouh là là, vous se foutre de la gueule du geek et du nerd, tu vois, de l'école. Enfin, c'est pas drôle, quoi. C'est jamais un truc dans lequel j'étais pas réceptive, quoi. Et C'est c'est quand typiquement même américain, j'ai l'impression, par moment. quoi? C'est typiquement américain, par Ah moment, j'ai oui, l'impression. parce que eux, ils marchent beaucoup sur le fait que dans l'école, il y aurait des classes d'élèves, enfin tu sais, genre des castes d'élèves, des trucs comme ça, quoi. Et enfin, c'est un humour qui est quand même assez daté, en fait, qui est vraiment typique de cette époque, quoi. C'est-à-dire que maintenant, ils le feraient pas. Déjà parce que maintenant, en fait, entre-temps, Hollywood a eu une vague de justement d'anciens gamin qui était geek qui a généré tous les films blockbuster machin tu vois donc et ça se sait et maintenant enfin je pense qu'on peut plus se foutre de la gueule d'une heure de service voilà c'est plus un film qu'on ferait maintenant après je reviens à l'aspect romantique du truc moi j'étais plus séduite par ce qui arrive à deux personnages secondaires qu'aux deux personnages principaux hein. Pour dire à quel point c'est mal foutu mais malgré tout le film a quand même trouvé son public. C'est aussi avec ce film que Drew Barrymore a commencé une carrière de prod qui a été plus prolifique que sa carrière de réalisatrice, parce qu'elle avait réalisé Bliss avec Elliot Page maintenant. J'aime beaucoup ce film Bliss. Ouais, avec Elliot Page, et que je n'ai toujours pas vu, qu'il faudrait que je voie parce que quand même pour histoire de juger un peu, parce que ça avait l'air C'est cool, il est cool. un peu fun. Et en fait, pour l'anecdote, la fille de Cheryl Ladd, sa partenaire dans Poison Ivy, a un petit rôle dans le film. Voilà, tout se recoupe. Donc voilà. Après, moi, après avoir vu ces trois films, puis avoir un peu survolé, des trucs qu'elle avait fait dans les 90, enfin, j'ai l'impression que finalement, on se rend pas compte à quel point elle a quand même varié ses rôles. Mais jamais, tu vois, avec des grands éclats, tu vois, on sent que c'est pas la nana qui se dit qu'il va aller faire des rôles trop trop tape à l'œil pour faire pour réclamer son Oscar, tu vois, c'est pas ce genre de meuf là. On sent que voilà, elle a juste envie de faire des trucs par-ci par-là, de diversifier ce qu'elle fait. Et du coup, on se rend pas compte à quel point elle a fait ça, son truc. Moi, il y a des trucs qui m'a étonnée, c'est que, alors, je me suis maté les Waxwork, les deux films censés être d'horreur. Et ce qui est marrant, c'est que Un moi, ce qui m'a. millionnage prochain. Hein? Un millionnage prochain. Et ce qui m'avait tilté, en fait, c'est que je comprenais pas parce que je les ai matés parce qu'au départ je voyais qu'elle était dedans. Je me dis, c'est marrant, elle a pas l'air d'être dedans. Si, elle est là, dedans, elle est genre 2 secondes dans un plan où elle fait une victime de vampire. Mais genre 2 secondes, tu vois, Et en fait, mais je pense que c'est peut-être par amitié, par quelqu'un qui est dedans, tu vois. C'est dans le 2, hein, les dans Wexford 2, hein, pas loin. Mais je pense c'est plus par amitié, au genre de choses. Et le fait justement d'entamer sa carrière de prod et de s'être essayé à la réalisation, je pense que c'est ça. C'est-à-dire que la nana, elle est née dedans. Elle sait comment marche le ciné, machin. Bon, elle a connu un peu tout finalement par rapport à ça. Et que elle, tout ce qui l'intéresse, c'est de diversifier en fonction des histoires, de machin, parce qu'elle a vraiment fait de tout, hein. C'est-à-dire que moi, je suis passée, j'ai fait l'impasse sur des trucs qui me rebutaient un petit peu, genre, attends, où est-ce qu'il est? Non, parce qu'en fait, j'ai fait l'impasse. J'ai pas voulu regarder les trucs trop, trop évidents, genre Batman Forever ou Wayne Worlds 2. Je me suis dit non, ça m'intéresse pas trop. Donnie Darko, parce qu'elle produit, mais elle joue dedans aussi. J'ai pas je voilà, ça m'intéressait pas de tomber là-dedans, mais il y avait un espèce de truc où justement elle faisait un road movie avec un acteur, un truc un peu romantique et tout machin. Je fais ah non, c'est bon. Ben, je sais plus trop quoi, mince. Ah. Comment? J'avais le film, j'ai vu passer en plus l'affiche il n'y a pas longtemps. Gun, je Ouais. sais plus trop quoi. Enfin, tu vois la piste où elle est décontractée en jean sur la bagnole, quoi. Tu fais, ok. Je sais pas si on parle vraiment du même. Attends, parce que du coup j'arrête pas de le voir, mais j'arrêtais pas de le voir jusqu'ici. Maintenant je vais pas. J'ai failli regarder un truc qui s'appelle Bassman, qui avait l'air super drôle, mais je trouvais pas la copie. S'il y a quelqu'un qui avait la copie, non, ça serait sympa. Parce que ça avait l'air marrant, il y avait Dinken dedans, tu vois. Donc bon, bref. Bref, en soi, je pense que bon, je suis pas plus intéressée que ça pour suivre sa carrière, mais je trouve que c'est une bonne artisane de l'industrie du cinoche, en fait. C'est-à-dire qu'elle a bien su finalement, même en étant dedans, elle a quand même bien su gagner ses galons et bosser là-dedans quand même, quoi. C'est-à-dire qu'elle s'est pas juste reposée sur le fait qu'elle était fille d'eux et qu'elle était Hollywood royalties. Donc voilà. Il y a juste deux trucs que je voulais dire par rapport à tout à l'heure au Godzilla. Le bouquin de, pour ceux qui, s'il y en a qui veulent approfondir sur Ichiro Honda, il y a le bouquin de Fabien Moreau, qui s'appelle Ichiro Honda, Humanisme Monstre. Voilà. Qui a bien marché, son bouquin, et qui est pas mal, et qui, voilà, qui est un joli bouquin, qu'elle a beaucoup travaillé. Et sur la bande-annonce de Avec ou sans homme aussi, parce que j'ai oublié d'en parler, mais je la tweeterai peut-être ou je la mettrai peut-être sur le blog, puisqu'on a un blog. Enfin, c'est le Pony Cosmic Club qui a un blog, mais c'est juste comme ça pour. Ça regroupe un peu tous nos trucs et tout. Mais voilà. Parce que dans la bande-annonce dans la bande originale de Avec ou sans homme, il y a quand même un peu tout. Il y a du Sheryl Crow, Stevie Nicks, The Pretenders, Cranberries, Annie Lennox, Melissa Etheridge. Il y a même un titre que chante Whoopi Goldberg. Là, voilà, elle est quand même assez sympa, la bande originale. Voilà. Bonne petite compile comme on savait les faire. Exactement. Et ben moi, j'ai trouvé mes films avec Drew Barrymore, donc ça s'appelle Gun Crazy, date de 92. 92, Gun Crazy. Attends, je Gun Crazy. regarde. Elle joue le rôle d'une lycéenne en fuite, parce qu'elle a dû assassiner son tuteur. Ah, attends, est-ce que je pensais à celui-là ou pas? Alors, ceux qui disaient qu'elle avait pas mal de rôles qui variaient, etc., ben voilà encore un rôle intéressant. Oui, non, mais il y a des trucs où il y a un truc où j'ai fait l'impasse, non, je pensais pas à celui-là, mais c'était un autre. Par exemple, The Amy Fisher Story, qui est une histoire vraie aussi, ils en ont fait un téléfilm et elle joue dedans aussi, en fait. Donc il y a des trucs comme ça où il y a Inside the Gold Mine que j'aimerais bien voir, qui a l'air franchement intéressant par contre, qui a des airs de, en termes de facture, j'ai l'impression que c'est clairement pas un film de gros studio. Ça a l'air assez intéressant. Enfin bon, bref, je pense qu'en fait, on peut se pencher, ne serait-ce que sur sa film, ne serait-ce que pour la variété des trucs, en fait. Voilà. Voilà, c'est tout. on se retrouve la semaine prochaine. Et ce sera, on l'espère, avec notre cher Nelson. Voilà. On a un peu étiré l'émission aujourd'hui. Ah non, même pas, même Bah, pas, même il va remplacer un peu Nelson. pas. Non, mais même pas, non, on est bien. En fait, on arrive à faire le même temps d'émission. On est bien programmé, t'as vu? Donc, bah, on se retrouve la semaine prochaine. Ouais, Walou, à plus, tonton. Ciao, ciao, au revoir.